Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM, vous êtes à l'écoute de la saveur du moment, c'est tout, mais surtout n'importe quoi, avec votre animateur, Simon Fidibé. Encore une très belle émission pour vous à vous proposer aujourd'hui. Entre autres, notre autopsie d'album portera sur l'album Synchrone du Néant de Offenbach, un album qui est paru en 1973. Franchement, pas piqué les verres, que j'ai découvert récemment. Malheureusement, j'avais pas réussi à mettre la main sur cet album-là dans son identité, mais en tant que vinyle, j'ai réussi à mettre la main sur une copie CD quand même assez géniale, puisqu'on retrouve plusieurs pièces inédites sur cet album-là. Mais bref, on parle de tout ça tout à l'heure, du très très bon fun back à leur début, vraiment génial, enregistré à l'Oratoire Saint-Joseph. Nous aurons également pour vous aujourd'hui quelques pièces qui se rapprochent ou qui touchent au Carrot Rock directement. Entre autres, nous entendrons New, ainsi que certains groupes qui se sont inspirés des sons Carrot Rock de l'époque. Tangerine Dream sera également sur notre liste de lecture, assez intéressante également comme musique. Nous aurons aussi des Zombies, également une nouveauté de Montreal. Leur nouvel album sort incessamment dans les bacs. Si c'était pas cette semaine également, je dois vérifier mes trucs. Également, donc, nous aurons des pièces, plutôt des artistes tels que Bats également. Nous aurons Jap and Sue qui va nous offrir une très très bonne pièce nommée Bright Lights également. Procol Harum fera partie de cette liste de lecture ce soir. Et nous allons débuter tout de suite avec une excellente pièce des Zombies, une pièce très courte mais qui en dit beaucoup. Voici The Way I Feel Inside sur les ondes de C'est fou 89 FM, dis-je. Vous êtes à l'écoute de la saveur du moment. Should I try to hide the way I feel inside my heart for you? Would you say that you would try to love me too? In your mind, could you ever be really close to me? I can tell the way you smile. If I feel that I could be certain, then I would say the things I want to say tonight. But till I can see that you'd really care for me, I will dream that someday you'll be really close to me. I can tell the way you smile. If I feel that I could be certain, then I would say the things I want to say tonight. But till I can see that you'd really care for me, I'll keep trying to hide the way I feel inside. Les Zombies avec l'excellente pièce The Way I Feel Inside. Si vous vous demandez si vous avez déjà entendu cette pièce quelque part, à part bien sûr sur un album des Zombies, eh bien c'est bien possible que vous ayez entendu cette pièce dans le film The Life Aquatic with Steve Zissou, un film de Wes Anderson vraiment génial, un de mes films préférés, et cette pièce se retrouve sur la trame sonore. Et il y a également de très très très bonnes pièces là-dessus. Une bonne dose de David Bowie se retrouve sur cet album. Entre entre autres donc des pièces reprises par Sue George, qui est un musicien de langue portugaise, qui est un musicien brésilien, ça donne à faire quelques reprises de David Bowie. David Bowie a vraiment aimé ces reprises, puisqu'il y en a beaucoup sur cet album. D'ailleurs, il y a un album complet de reprises de David Bowie. Et cette pièce se retrouve également dans une scène assez touchante où Steve Zissou doit confronter la mort de quelqu'un qui lui est proche. Et donc, je vous laisserai découvrir le film si vous n'avez pas déjà écouté ce film magnifique. Nous avons entendu donc Colin Blundstone plutôt seul au chant, accompagné d'une petite orgue jouée par, bien sûr, Roger Gent de Zombies. Des Zombies plutôt, que nous retrouvions sur cette pièce. D'ailleurs, les Zombies qui sont en préparation d'un nouvel album, pour célébrer leur anniversaire de carrière, je crois qu'ils doivent être rendus à près de 50 ans de carrière ensemble. Séparés, bien sûr, se sont séparés à la fin des années 60, mais ont toujours continué à collaborer quelquefois très très sporadiquement. Et donc, c'est un nouvel album que nous prépare entre autres Colin Blundstone et Rod Argent des Zombies, qui devrait paraître dans nos bacs en 2011, donc il faudra quand même être patient, mais ça va être très très intéressant. Nous continuons cette épopée musicale avec une pièce qui reste un peu d'époque, puisque ça date à peu près des mêmes années où les Zombies ont enregistré The Way I Feel Inside. Nous nous dirigeons plutôt vers un thème de la drogue, par contre, puisque lorsque les Byrds ont fait paraître la pièce 8 Miles High et que Bob Dylan s'est laissé aller avec la pièce Rainy Day Woman No. 12 and 35, une génération de musiciens se sont mis à flirter un peu avec les thèmes de la drogue récréationnelle, c'est-à-dire donc les drogues un peu moins dures, des drogues qui sont plus acceptées maintenant. Mais les Velvet Underground en 1966 ont décidé de pousser l'audace le plus loin possible en appelant une chanson héroïne. Et donc c'est une chanson qui représente très bien, selon moi, ce qu'un héroïnomane peut ressentir donc dans ses différences de rush ou de... Donc de manque d'héroïne. Vous allez voir, c'est très intéressant comme pièce. Ça se retrouve bien sûr sur l'album génial Velvet Underground et Nico. Voici donc cette composition de Lou Reed, Héroïne, sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Sweet girls with all your sweet rocking seas on a great big clipper ship, going from this land here to that on a sailor's suit and cap. Because a maniac to my vein needs to a center in my head, and then I'm better off than dead. Velvet Underground avec Héroïne, une pièce qui ne défend pas la drogue dure qu'est l'héroïne, sans nécessairement la glorifier non plus. Le groupe donc a fait tout simplement une mention de l'héroïne comme étant une drogue vraiment qui nous rend, je dirais pas bizarre, mais vraiment, donc on voit la montée et la descente dans les tempos, les rythmes, et également le violon de John Cale qui vient tout simplement nous éblouir et également rajouter cette petite terreur derrière cette pièce assez incroyable, merci. Nous continuons cette épopée musicale, bien sûr, avec une autre pièce de l'année 1967, donc on reste à peu près dans les mêmes années pour ce qui est du début de l'émission. Nous allons aller entendre, en fait, une pièce qui a reçu, en fait, je dirais pas le prix, mais qui a été, en fait, adjugée comme étant une des pièces, en fait, la pièce qui a joué le plus souvent dans les places publiques en Angleterre, et également la pièce qui a joué le plus souvent dans à la radio anglaise depuis les 75 dernières années, ce qui est déjà assez bien, hein, pour un groupe. C'était leur toute première pièce à sortir sur donc les ondes radio. Voici Procol Harum et A Whiter Shade of Pale sur les ondes de C'est Fou 89 FM. Procol Harum avec la pièce Whiter Shade of Pale. Comme je vous disais, tout simplement, cette pièce est la plus jouée en Angleterre dans les 70 dernières années sur les radios et la plus jouée dans les espaces publics dans les 75 dernières années. Un succès donc incroyable pour cette pièce de Procol Harum, qui est un groupe qui a quand même connu une très bonne carrière par la suite, mais bien sûr, certaines de leurs pièces ou même certains albums ont été un peu obscurcis à cause du succès de cette pièce qui est apparue sur les marchés le 12 mai 1967, que vous pouvez entendre dans une variété de films. Il y a plus de 900 versions de cette pièce qui a été enregistrée. Donc, franchement, si vous voulez faire une version de Whiter Shade of Pale, eh bien, dites-vous que vous ne serez pas le premier. Qu'est-ce qui a aidé aussi au succès? C'est un peu les paroles également de cette pièce-là. Entre autres, on dit que l'écrivain, oui, le compositeur de la pièce, qui est Keith Reid, entre autres, puisque le groupe a participé à l'écriture de cette pièce. Donc, il dit avoir entendu cette phrase dans une fête, alors qu'il était chez des amis. C'est une femme qui aurait dit « t'es devenu plus blanc que blanc ». T'es devenu, donc, un degré plus blanc que le pâle. Donc, c'est ce qui lui a donné l'idée, en fait, de d'écrire cette pièce. Et entre autres, on retrouve une influence assez importante de Jean-Sébastien Bach dans cette pièce, puisque on retrouve, entre autres, Air on the G-String, c'est-à-dire donc une air sur la corde de sol, donc qui est repiqué un peu dans cette pièce à l'orgue Hammond. Vraiment donc génial. Une pièce qui était due pour un très grand succès. D'ailleurs, la dernière incarnation de cette pièce, si vous voulez l'entendre dans un film, eh bien ça pourrait être le film Pirate Radio qui est apparu il y a déjà de ça 2 ans. Donc une très très belle utilisation de cette pièce. Il y a également Joe Cocker qui fait une version de Whiter Shade of Pale, et donc ça se retrouve sur son album Luxury You Can Afford, qui serait très intéressant également puisqu'on connaît très bien la voix superbe de Joe Cocker pour ce genre de chansons. Également Annie Lennox a fait une version en 1995, et le groupe heavy metal Black Label Society a fait une version sur l'album Hangover Music Volume 6, et donc ça serait assez intéressant puisque Zakk Wylde joue le piano là-dessus. Zakk Wylde qui est un guitariste de métal accompli. Nous allons donc nous diriger vers une autre pièce dans un registre quelque peu différent. Une pièce qui reste quand même sombre, qui est parue en 1974 sur son album original, mais déjà en 1971, Neil Young s'exerçait sur scène au piano. Il commençait donc les premiers balbutiements de cette pièce qui se nomme See the Sky About to Rain, qui est apparu sur l'album On the Beach en 1974. Voici une très très très bonne version qui nous vient de l'album Live at Massey Hall. See the sky about to rain, broken clouds and rain, locomotive pull the train, whistle blowing through my brain, signals curling on an open plain, rolling down the track again. See the sky about to rain. Some are bound to happiness, some are bound to glory, some are bound to live with less. Who can tell your story? See the sky about to rain, broken clouds and rain, locomotive pull the train, whistle blowing through my brain, signals curling on an open plain, rolling down the track again. See the sky about to rain. Down in Dixieland, played a silver fiddle, played it loud, and then the man broke it down the middle. See the sky about to rain. Donc la pluie qui tombe en ce moment, les applaudissements croulent sur Neil Young dans cette superbe interprétation de See the Sky About to Rain. C'était dans un enregistrement à Massey Hall, donc une salle de concert célèbre. Et il a enregistré en fait cet album-là, Neil Young, en 1971, donc entre la sortie de l'album Donc, de l'album Harvest, avant la sortie de l'album Harvest et After the Gold Rush qui venait de paraître. Nous avons donc droit à certaines versions de pièces qu'on trouve sur Harvest, qui est l'album le plus connu de Neil Young, qui sont reprises, sont jouées en fait par le chanteur sans qu'il y ait d'interruption de gens qui se mettent à applaudir lorsqu'ils commencent à jouer la pièce puisqu'ils ne la connaissent pas. Il y a beaucoup, beaucoup de pièces qui ont été tentées lors de ce concert, entre autres Man Needs a Maid, qui a été mixé et mélangé par Neil Young avec la pièce Heart of Gold au piano, ce qui est vraiment, mais vraiment génial, une très, très, très bonne version. Également, cette version de See the Sky, About to Rain, une pièce donc qui est très, très mélancolique et qui nous rappelle un peu les thèmes de l'éco-terreur qu'avait donc Neil Young avec l'album After the Gold Rush. Bien sûr, on commençait à voir un peu les ravages de la civilisation sur la nature dans les années 70. Entre autres, Marvin Gaye également avait écrit certaines pièces, entre autres Mercy, Mercy Me, sur son excellent album What's Going On. Et Neil Young reprend un peu ce même thème avec la pièce See the Sky About to Rain, qui est sensiblement différente lorsqu'on l'écoute sur l'album On the Beach de 1974, puisque Neil Young donc joue sur un piano électrique, si on veut un Fender Rhodes pour être plus clair. Également, on retrouve beaucoup de guitares pédales, donc une steel guitar comme on dit en bon français. C'est une bonne version également, mais cette version Maceral est selon moi très très supérieure. Et il a fallu attendre jusqu'à 2007 avant que Neil Young fasse paraître un disque CD et accompagné de DVD intéressant du concert de Massey Hall. Très très peu de versions, en fait, sur le DVD, on ne retrouve pas vraiment de vidéos Neil Young jouant beaucoup de pièces, mais il y a certaines vidéos où c'est simplement une enregistreuse qui joue devant une salle vide et c'est le concert en général. Nous allons aller immédiatement en pause à la saveur du moment. Nous nous retrouvons bien sûr de l'autre côté de ces messages de nos généreux commanditaires sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. C'est fou ça. 89.1. Sur les ondes de C'est fou 89 FM, vous êtes à l'écoute de l'émission La Saveur du Moment. C'est le tout, mais surtout n'importe quoi. Nous avons entendu dans la première demi-heure de l'émission les Zombies, Velvet Underground, Procol Harum, et nous avons terminé avec Neil Young. Nous débutons maintenant une série de pièces, une série d'artistes également, qui sont plus jeunes un peu que ce que nous venons d'entendre, mais d'excellentes pièces qui vont s'orienter un peu plus dans le folk, indie folk, si on veut, non, pour donner une étiquette à ce genre de musique. Ça a été très, très populaire cette semaine dans mon lecteur MP3. D'excellentes pièces que j'ai à vous présenter. Et on débute avec une pièce vraiment géniale d'un groupe que j'admire au plus haut point. Une très, très, très, très bonne pièce d'un groupe venant de la région de Seattle qui nous chante à propos d'une montagne qui se trouve dans la région de Washington, où on dit donc que c'est une chanson de paysan. De paysans plutôt, venant de cette région bien précise de Washington, la Tiger Mountain. Donc voici, sans plus tarder, Fleet Foxes avec Tiger Mountain, Peasant Songs, sur les ondes de C'est Fou 89 FM. Wanderers this morning came by. Where do they go, graceful in the morning light? To Banner Fair, to follow you softly in the cold mountain air. Through the forest, down to your grave, where the birds wait and the tall grasses wait, they do. Body die. everything, anything true. Into town one morning I went, staggering through premonitions of my death. I don't see anybody that dear to me. Dear shadow alive and well, how can the body die? You tell me everything, anything true. Mountain Man, plutôt, avec la pièce Animals Tracks, une très, très, très bonne pièce d'un groupe émergent qui, en fait, débute sa carrière. Vous pouvez les retrouver, entre autres, sur MySpace, donc avec cette pièce, ainsi qu'une pièce qui se nomme Soft Skin, qui est simplement en simple, c'est-à-dire en sample. Vous pouvez écouter une très petite pièce, mais le groupe, donc, possède également un Bandcamp et signé sur Bella Union pour ce qui est de l'Angleterre, un peu comme Fleet Foxes que nous avons entendu juste auparavant avec Tiger Mountain, Peace and Song, voilà. Et donc, deux groupes à surveiller, en fait, Fleet Foxes qui prépare encore et toujours son prochain album qui devrait paraître en 2011. C'était prévu pour fin 2009, début 2010 et ça a été repoussé puisqu'on travaille beaucoup en studio du côté de Ryan Pecknold et sa troupe, en fait, de musiciens. Donc, on attend vraiment très, très rapidement un prochain album de Fleet Foxes, enfin, on l'espère. Et pour ce qui est de Mountain Man, bien, vous pouvez vous procurer leur album par Internet, bien sûr, sur iTunes, mais également en version vinyle 180 grammes, ainsi qu'en CD, disons, traditionnel maintenant, pour ce qui est de cette musique de musicienne, en fait, qui nous viennent du Vermont. Donc, on peut retrouver un peu ce son très, très calme des gens, des Vermontois, en fait, qui sont, si on veut, un peuple très calme aux États-Unis, venant de, donc, d'un État qui ressemble un peu au Québec, bien sûr, au sud du Québec, puisque c'est frontalier avec Sherbrooke et ses régions. Donc, franchement, une région qui ressemble un peu à ce que peut connaître Fleet Foxes à Seattle. Donc, c'est, voilà pourquoi les deux pièces se suivent une après l'autre. Nous allons aller maintenant toujours du côté de l'indie folk avec une pièce intéressante de Sarah Jaffe qui se nomme Better Than Nothing sur les ondes de C'est Fou 89 FM. Vous êtes à l'écoute de La Saveur du Moment. How can someone who wants to be loved hate it when they're loved at all? Does guilt really feel that bad? Every time I take a breath, honey, feel the weight fall back on me. Somebody tell me it's not so bad. Collected thoughts drown in sleep. I've forgotten what you mean to me. I forgot. What happens to the girl? What happens to the boy? Feel. Sarah Jaffe avec la pièce Better Than Nothing que vous pourrez retrouver sur son tout premier album qui se nomme Suburban Nature qui est paru en 2010, donc qui vient tout simplement de paraître. C'est une musicienne qui nous vient de Denton au Texas et qui a été franchement reconnue par Rolling Stone mais également par le Dallas Observer comme étant un artiste à surveiller et franchement assez intéressant. Donc pour ce qui est de l'indie folk, en fait, une très très très bonne découverte qu'on peut réaliser d'ailleurs en allant tout simplement consulter des playlists indie sur Internet. L'Internet en regorge et ce sont bien souvent les artistes qui envoient leur... je dirais pas leurs démos, mais certains extraits de leurs albums afin de se faire découvrir par l'Internet et devenir donc plus gros, de plus en plus gros grâce à cet outil un peu comme MySpace. Nous allons maintenant continuer dans cette épopée indie folk. Pour le moment, je vous rappelle bien sûr que nous allons disséquer l'album Synchrone du Néant pour la dernière demi-heure de l'émission. Un très très bon album d'Offenbach enregistré à l'Oratoire Saint-Joseph où les pièces sont écrites en latin. Mais bien sûr, il reste toujours un très très bon fond de rock sur ce deuxième album d'Offenbach. Également, quelque peu... dans quelques temps plus tôt, nous aurons bien sûr du crowd rock ainsi que ses dérivés. Mais avant tout, nous allons continuer avec un groupe qui se nomme Rat Tail. Et voici la pièce Green Guitar sur les ondes de C'est Fou 89 FM. Vous êtes à l'écoute de la saveur du moment. Thank you. Rattle avec la pièce Green Guitar, un groupe qui vient de Toronto, donc en Ontario bien sûr, notre province voisine. Un groupe qui se qualifie comme garage, grunge et psychédélique. Donc vous pouvez découvrir bien sûr leur MySpace. Ils ont également un site internet au www.rrrattle.com. On peut retrouver plusieurs de leurs pièces sur ce MySpace, ainsi que des vidéoclips également intéressants que je vous laisserai découvrir. Nous allons continuer immédiatement en musique avec un groupe que nous avons entendu la semaine dernière, mais j'ai passé sous silence malheureusement la sortie de leur tout nouvel album qui est paru le 14 septembre 2010. Bien sûr, donc c'est l'album False Priest du groupe Off Montreal, et voici le tout premier extrait de cet album. Voici Coquette, Coquette sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Vous êtes à l'écoute de la saveur du moment. With you I can only Off Montreal avec Coquette qui se retrouve sur son tout dernier album. Dernier album qui se nomme False Priest, que vous pouvez vous procurer en vinyle, également CD et en téléchargement numérique, qui vaut vraiment la peine si vous adonnez à Off Montreal. En fait, ce qui vaut la peine, c'est l'immense catalogue que ce groupe possède, qui existe en fait, Off Montreal, depuis le milieu des années 90 et qui nous a donné de très très bons albums, entre autres comme The Gay Parade, également The Bedside Drama, A Petite Tragedy, plus récemment l'album Hissing, Fauna, Are You the Destroyer, et également Skeletal Limping, qui est l'avant-dernier album d'Off Montreal, puisque False Priest est le tout dernier. Et si vous êtes donc fan d'Off Montreal au point de vous commander un vinyle, bien sachez que c'est un album double qui est rouge. Et Off Montreal, en fait, également, donc, c'est garni de plusieurs musiciens. Le groupe avait commencé en étant peut-être 3 ou 4 musiciens, donc 2 guitares, une basse et une batterie. Et maintenant, c'est devenu vraiment un groupe très, très très très grand et très puissant sur scène. On retrouve pratiquement 10 de personnes sur scène à chaque fois. Et lorsqu'ils ont joué les premiers extraits de l'album False Priest sur Late Night with Jimmy Fallon, qui est une émission bien sûr américaine bien connue, eh bien il y avait au moins 10 de personnes sur scène habillées tout de blanc, le visage également en blanc, qui buvaient du lait et qui s'adonnaient à des conversations pendant que le groupe jouait. Et également Off Montreal fait sa tournée avec donc Solange Knowles, qui est bien sûr la sœur de Beyoncé Knowles, qui s'adonne un peu plus à la scène indie comparée à sa sœur, la grande super vedette. Nous allons continuer en musique, une dernière pièce pour cette demi-heure avant de tourner vers une demi-heure qui sera plus krautrock dans quelques instants. Mais avant tout, voici Bermuda Boney avec la pièce Houseboat sur les ondes de C'est Fou 89 FM. Vous êtes à l'écoute de La Saveur du Moment avec votre animateur Simon Fitzbé. la nuit, j'ai décidé de t'écrire. C'est fou ça. 89.1 sur le net au cfou.ca. Sur les ondes de C'est fou 89 FM, vous êtes à l'écoute de la saveur du moment, de tout, mais surtout du n'importe quoi. Et nous avons une très très bonne heure à vous proposer. Entre autres, nous aurons l'autopsie de l'album Synchrone de Néant d'Offenbach, un album qui est apparu en 1973, qui a réapparu en fait en version CD en 2008 grâce à la compagnie Prog Québec qui a réédité cet excellent deuxième album d'Offenbach enregistré à l'Oratoire Saint-Joseph. Nous avons entendu avant la pause, bien sûr, Bermuda Bunny, donc avec la pièce Houseboat, une très très très très bonne pièce d'une nouvelle artiste également qui nous vient de Brooklyn. Brooklyn qui est devenue sensiblement une plaque tournante de la musique dans les dernières années, surtout de la musique indie, une musique donc qui se démarque des autres. Entre autres, il y a The Nationals également qui œuvre à Brooklyn et qui bien connaissent un album, non pas un album, mais plutôt une carrière quand même assez incroyable, entre autres avec leur tout dernier album, Ivy Violets, qui est reconnu comme un des meilleurs albums de l'année 2010, dis-je, puisque donc c'est leur second album, ou leur troisième, en fait, il faudrait que je vérifie dans mes papiers. Également, leur album Boxer, qui était franchement génial, que j'ai eu la chance de découvrir en 2008, qui méritait vraiment le détour à cette époque. Nous entrons maintenant dans une prochaine demi-heure qui sera peuplée de souvenirs du passé, si on veut, pour ce qui est de ma part, puisque c'est de la musique qui a été diffusée lorsque j'animais encore l'émission Crowd Rock sur les ondes de C'est fou, émission qui a pris fin à la fin de la session d'hiver dernier. Bien sûr, toute bonne chose a une fin, et je voulais me lancer dans de nouveaux projets, dont celui-ci, et voilà pourquoi j'ai mis un peu le Crowd Rock de côté. Nous allons aller entendre par contre quelques pièces assez géniales de ce style de musique, et nous allons débuter avec un groupe franchement impressionnant et intéressant qui se nomme New, qui vient bien sûr de l'Allemagne de l'Ouest, et voici sans plus tarder la toute première pièce de leur tout premier album qui se nomme Allo Gallo. L'album bien sûr se nomme tout simplement New, et c'est sur les ondes de C'est fou 89 FM dans le cadre de la saveur du moment avec votre animateur Simon Fitzbé. Klaus Dinger et Michael Rotter avec la pièce Allo Gallo qui se retrouve sur le tout premier album de la formation New, une formation allemande qui donc a vraiment brassé dans les années 70 dans ce qui est de la scène krautrock. Ils ont entre autres influencé des groupes comme Public Image Limited, Joy Division, Brian Eno, David Bowie, Stereolab, Gary Numan, Ultravox, Radiohead et Simple Minds pour ne nommer que ceux-là, et ils ont donc beaucoup travaillé donc pour l'avancement de la musique en Allemagne, et entre autres Michael Rotter et Klaus Dinger qui étaient deux anciens membres de Kraftwerk également, donc c'est un CV assez intéressant pour ces deux musiciens. J'aimerais pouvoir vous en dire plus, mais le temps passe malheureusement rapidement et nous avons une autre pièce également intéressante à vous faire découvrir qui nous vient d'un groupe également allemand puisqu'on reste dans ce milieu du krautrock. Et Tangerine Dream, en fait, qui est un groupe de musique électronique qui s'est fondé en 1967, donc quand même un groupe qui est assez... qui a quand même une certaine un certain âge, si on veut, qui a connu plusieurs tumultes au niveau de la musique. Ça a changé, ça a bougé beaucoup, mais bien sûr, on reconnaît toujours l'excellente qualité de la musique de Tangerine Dream, tirée de leur album Phaedra. Voici la pièce Mysterious Resemblance at the Strand of Nightmare sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Vous êtes à l'écoute de La Saveur du Moment. Tangerine Dream avec leur tout premier album sur l'étiquette Virgin. Bien sûr, on sait que Virgin s'intéressait beaucoup aux groupes allemands de krautrock à la fin, au début des années 70, dis-je. Plusieurs groupes sont allés signer donc sur ce label anglais. Et donc, c'est ce qui a aidé, bien sûr, à faire connaître ce son du krautrock un peu partout dans le monde. Les pionniers de l'ambiance, bien sûr, Tangerine Dream, nous ont donné plusieurs albums. Mais l'album Phaedra reste un des albums, je dis beaucoup albums, mais c'est un des disques les plus mémorables de la formation et même un des disques les plus mémorables de l'ambiant qui a été donc enregistré avec entre autres plusieurs séquenceurs ainsi que claviers divers afin de créer donc un son parfait, un très très bon son. On retrouve sur cet album Edgar Froese. Mon allemand revient très très mauvais, qui s'adonne en fait à la production, au mélotron, à la guitare et à la basse sur cet album, ainsi que quelques synthétiseurs. Christopher Franke joue du Moog ainsi que du synthétiseur, et Peter Baumann lui s'occupe du piano électrique, de l'orgue, également des synthétiseurs et de la flûte sur cet excellent album. Nous venons d'entendre Mysterious Semblance to At the Strand of Nightmares. Excellente pièce tirée de l'album Phaedra de 1974. Nous allons continuer un peu dans cette vague krautrock, en fait, avec un dernier groupe, une dernière association, disons plus. C'est le groupe Cluster et Brian Eno qui signe cette excellente pièce qui se nomme Au Renomo, qui est une excellente pièce et qui montre, en fait, le talent de Brian Eno, qui s'est joint, en fait, à deux de ses idoles, les deux musiciens de Cluster, afin de créer cette excellente pièce, donc, qui nous vient, en fait, des années 1977, j'allais dire des années 80, mais c'est un petit peu avant, mais sur Brian Eno qui a connu donc succès phénoménal dans les années 70, entre autres avec Roxy Music, et également donc une très très bonne carrière depuis en tant que producteur, réalisateur, musicien, compositeur, lyriciste, qui s'adonne autant à la musique pop qu'à la dream pop, qu'au krautrock, néo-krautrock si on veut, également la musique ambiante avec entre autres son disque qui en fait est constitué de 4 pièces ambiantes, musique pour aéroport numéro 1. Mais nous allons aller entendre cette pièce Au Renomo, qui est donc une pièce de Cluster et Brian Eno, écrite bien sûr par Hans Joachim Rodelius, Dieter Moebius et Brian Eno. Excellente pièce qui se retrouve sur l'album du même nom, Cluster et Eno, qui se retrouve toujours sur cette magnifique compilation Dream Pop qui se retrouvait dans un magazine du Mojo il y a déjà quelques temps de cela, alors que Peter Gabriel était en couverture de cette édition du magazine. Donc voici sans plus tarder Cluster et Eno. Thank you. Cluster et Brian Eno, donc une excellente pièce qui se retrouve sur cette magnifique compilation, dis-je, de Mojo. Mojo Presents Dream Pop, donc sur un disque sur lequel on retrouve Sigur Rós, Cocteau Twins, Mercury Rev, Cluster et Eno, bien sûr, Beach House, Galaxy 500 et bien d'autres. Une pièce qui se nomme O Renomo, qui se retrouve sur un album qui se nomme Cluster et Eno, bien sûr. Brian Eno, qui était très très influencé par Cluster et qui avait la chance donc de travailler avec Hans Joachim Rodelius ainsi que Dieter Moebius sur ce magnifique album. Donc Cluster qui est un duo également krautrock très très reconnu pour son exploration sonore. Nous allons aller immédiatement en pause à la saveur du moment et nous nous retrouvons de l'autre côté bien sûr pour cette découverte d'album, oui, cette dissection, si on veut, d'album, puisqu'on vous présente en fait l'autopsie de l'album Synchrone de Néant, plutôt d'Offenbach, album enregistré à la fin de l'année 1972 par Offenbach à l'oratoire Saint-Joseph. C'est une messe des morts composée par Pierre Harel et récitée en latin. Donc ça promet beaucoup. Bref, de l'autre côté de la pause, sur les ondes de C'est fou 89 FM, vous êtes à l'écoute de la saveur du moment. C'est fou ça, 89.1. Sur les ondes de C'est fou 89 FM, vous êtes à l'écoute de la saveur du moment et nous en sommes déjà à la dernière section de cette émission, bien sûr, notre autopsie d'album traditionnel qu'on vous présente à toutes les fins d'émission ici à la saveur du moment. Et je vous ai décoté un album franchement intéressant qui, en fait, est en ma possession depuis à peine une semaine, mais c'est un album que j'espérais obtenir donc d'une façon ou d'une autre assez rapidement puisque c'est quelque chose de mythique pour moi. Il s'agit de l'album Synchrone de Néant d'Offenbach, un album qui a été enregistré à l'oratoire Saint-Joseph en 1972. C'était le 30 novembre 1972 que cela a été enregistré. Et simplement pour vous expliquer le concept de cet album, eh bien, je vais vous lire un peu ce qu'on retrouvait en fait sur la copie originale de l'album, ce qui est à dire en bon français un liner notes, simplement une note tirée de l'album écrite par le groupe. En fait, on dit le 30 novembre 1972, pendant que la première tempête de neige s'abattait sur Montréal, plus de 5000 personnes attendaient que s'ouvrent les portes de la basilique de l'oratoire Saint-Joseph. Parmi les 3000 qui purent rentrer, certains étaient venus pour voir un show et ils ont entendu la messe des morts. Certains étaient venus pour entendre la messe des morts et ils ont vu un show. Certains étaient venus pour chahuter et ils ne l'ont pas fait. L'idée de cette expérience musicale dans le plus grand centre pèlerinage d'Amérique du Nord avait germé 6 mois plus tôt dans l'esprit de Pierre Harel. Et donc, il y a une petite citation de Pierre Harel que je vais vous garder pour la suite de notre dissection d'album, notre autopsie de cet album Synchrone du Néant d'Offenbach. Et voici sans plus tarder le kyrie de cette messe des morts. Offenbach avec le Kyrie de leur messe des morts qui apparaît sur l'album Synchrone du Néant. Un excellent album, franchement, que je conseille à tous les fans de musique progressive, mais également de krautrock, puisqu'on retrouve certaines notions de krautrock dans cette musique-là, entre autres une ambiance qui rappelle les morts sur plusieurs pièces, également la messe en latin, donc qui nous offre un dépaysement d'une certaine façon assez intéressante. Et je vous parlais de ce fameux liner notes qu'on retrouvait sur l'album donc de Offenbach originalement paru en 1973 et ce liner notes comme je le disais était de Pierre Harel et il nous parlait en fait de comment il a conçu cet album dans sa tête lorsqu'ils étaient en tournée ce groupe Offenbach et qu'ils avaient quelques problèmes d'une certaine façon à garder un certain calme dans la foule. Je vais vous lire le tout dans quelques instants, ne serait-ce que le temps de vous parler en fait de cet excellent, album, mais du groupe Offenbach, puisque on retrouvait entre autres un collaborateur externe qui se nomme Yvon Hubert. C'était le curé en fait qui a fait la messe d'Offenbach, la messe des morts, qui a récité en latin, en fait, les textes de Pierre Harel, qui, comme je disais, dépayse un peu. Et voici donc ce qu'il avait à dire Pierre Harel à propos de cet album-là. Il dit « Nous faisions le circuit des clubs avec l'espoir constant de pouvoir mettre les pieds sur un stage à notre dimension et à la mesure de notre appétit de violence. Les chemins parcourus dans notre camion à pain devenaient de plus en plus étroits dans les maisons qui bordaient de plus en plus rare. Et puis, un mardi du mois d'août 1972, dis-je, au crépuscule, nous arrivions au bout de la route près de la serre PQ. Une grosse pancarte se dresse devant nous. Stop, no trespassing. Anybody who goes past this sign must be with a guide. Danger. Gros flash. On joue mardi soir et on finit la soirée par une bataille générale dans le club. Je monte dans ma chambre, je m'étends sur le grabat, je regarde le miroir victorien bleu poudre écaillé et prends au-dessus du vanité en madrier gris sange et je vois l'oratoire trôner sur la montagne comme un temple cybernétique 12-012 après Jésus-Christ. Puis j'imagine le mixte à l'intérieur, une vision latérale de la nef, plein de monde. Offenbach joue une messe grégorienne. Lors de cette messe grégorienne, outre la diffusion en direct sur les ondes de Chaume FM et l'enregistrement sur 16 pistes de l'enjeu, un film y a également été tourné. Et malheureusement, à moins de me tromper, je crois qu'il n'y a pas vraiment de version de ce film qui se retrouve en fait en DVD et ça serait intéressant de voir le tout. Je vous fais écouter maintenant la pièce Domine Jesu Christe sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Vous êtes à l'écoute de l'autopsie de Synchrone de Néant sur les pendant plutôt l'émission La Saveur du Moment. Libera divas omnium fide. Johnny Gravel à la guitare, franchement, un des meilleurs guitaristes du Québec, et très sous-estimé malheureusement, qui franchement est à son meilleur sur cet album Synchrone de Néant d'Offenbach. On retrouvait bien sûr la formation classique du groupe, c'est-à-dire Jerry Boulet, Pierre Harel, Roger Belval, surnommé Wezo, Jean Gravel, ainsi que Michel Willy Lamotte, le fils bien sûr du très célèbre Willy Lamotte, qui était bassiste de la formation. Et également s'était greffé au groupe pour ce soir-là, Yvon Hubert, prêtre de profession, qui donnait la messe en latin, cette messe des morts. Une musique franchement psychédélique et ce qui a occasionné en fait certains petits égarements de la part des fans d'Offenbach qui n'étaient pas nécessairement tous très très catholiques, puisque en fait lors de ce spectacle on titrait dans le journal le lendemain: j'ai fumé du pot à l'oratoire pendant le show d'Offenbach, et franchement ça a changé un peu les mentalités, et c'est drôle de se dire que un groupe rock de la qualité d'Offenbach est un groupe très dur, avec quand même donc une musique assez joiale, qui également donc représentait un peu la violence, comme le disait Pierre Harel, qui recherchait une violence sur scène avec ce groupe. Et on a permis au groupe en fait d'enregistrer à l'Oratoire Saint-Joseph, qui est quand même un lieu de culte, un immense lieu de culte, comme on dit, le plus visité en Amérique du Nord, ce qui est déjà donc peut dire sur la réputation de l'endroit. Mais quand même, On a permis à Offenbach d'enregistrer, et il faut dire qu'ils ont dû remercier Yvon Hubert, hein, qui a accepté de donner la messe également ce soir-là. Mais bref, ça reste quelque chose d'assez éclectique. Au lendemain donc de la Révolution tranquille, bien sûr, on avait un peu abandonné les églises et ça avait changé de mentalité également du côté du clergé. On a permis donc à un groupe de rock de s'adonner à leur musique endiablée sur une scène très très religieuse. Nous allons nous laisser avec une des pièces qui ressort le plus de cet album, c'est-à-dire la toute dernière, qui se nomme Rire aux larmes, une pièce constituée de rires qui, franchement, est la plus mémorable selon moi de cet album-là, pour avoir vu un concert qui avait eu lieu à Télé-Québec, je crois, il y a déjà une dizaine d'années de cela, où on célébrait justement la musique de Offenbach à l'Oratoire Saint-Joseph. On avait terminé avec Rire aux larmes, et c'était quelque chose qui m'avait très surpris. Également, on a des extraits de cette chanson sur le fameux film Tabarnak, qui est un film que je vous propose, que je vous suggère grandement si vous voulez connaître Offenbach un peu plus en profondeur, la formation classique bien sûr, ce qu'on retrouve sur cet album, mis à part Pierre Harel qui refusait d'être filmé pour ce film. Eh bien, il se nomme Tabarnak, il est très difficile à trouver, donc si jamais vous avez la chance de mettre la main sur une copie, eh bien faites-le et écoutez le film, vous allez vraiment être subjugué. Nous nous retrouverons donc la semaine prochaine pour plus de musique. Et bien sûr, certains artistes n'ont pas pu être diffusés ce soir. Nous aurons le tout la semaine prochaine, entre autres Japan Sue, que vous aurez la chance d'écouter dès la semaine prochaine. Mais je laisse les derniers mots de cette émission à Pierre Harel, qui donc disait en conclusion du concert d'Offenbach: mais c'est fini. Cette salle-là est devenue une salle comme n'importe quelle autre. À ce moment-là, est-ce qu'il y en a qui veulent...